bal d'est un garçon, garçon charmant. Au demeurant, un garçon de café au restaurant. Le bel été de Santa Fe. Mais son rêve profond, son rêve caché. Rêve caché. Son rêve profond et caché, c'est de chanter. Qu'est-ce qui t'empêche, Archibald? Qu'est-ce qui t'empêche, Archibald? D'être une star. Qu'est-ce qui t'empêche, Archibald? Qu'est-ce qui t'empêche, Archibald? D'être une star et de chanter comme un démon, comme une bête. De t'éclater comme un fou qui fait sa fête. La grille arrachée, l'autre côté la tempête, un vent de folie. Chanter, c'est ton cri. Chanter, c'est ta vie. Oh, oh, Archie, Archie, Archie. Marie-Jean est une fleur, une fleur des champs. Serré trop sage entre les pages et les images d'un conte de fées. Mais son rêve profond, son rêve caché. Son rêve profond et caché, c'est danser. Qu'est-ce qui te retient, Marie-Jean? Qu'est-ce qui te retient, Marie-Jean? D'être une étoile. Qu'est-ce qui te retient, Marie-Jean? Qu'est-ce qui te retient, Marie-Jean? D'être une star et danser comme un démon, comme une bête. De t'éclater comme un fou qui fait sa fête. La grille arrachée, l'autre côté la tempête. Un vent de folie. Danser comme tu ris. Danser, c'est ta vie. Oh, oh Marie, Marie. D'un amour insensé. Ah, ah, ah, si j'osais. Un amour décontracté, comme au ciné, comme à la télé. Un amour qu'ils osent à peine imaginer. Qu'est-ce qui t'empêche, Archibald? Qu'est-ce qui te retient, Marie-Jean? Oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce qui te retient, Marie-Jean? Des démons comme des bêtes, de s'éclater comme un fou qui fait sa fête. La grille arrachée, l'autre côté la tempête, un vent de folie. Aimer, c'est ton cri. Aimer comme tu ris. Aimer, c'est la vie. Oh, oh Archie. Archibald, il faut que je te dise quelque chose. La vie, tu comprends? Ça, c'est le vent d'amour. Mais oui, on peut discuter pendant des heures, c'est marrant. Comme je disais. Ça, c'est le vent d'amour. Bon, oui, je peux rien te dire de plus, moi. Comment t'expliquer?